Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erika. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. Bienvenue à this upper intermediate lesson. Alors aujourd'hui, leçon formidable. Elle va regrouper trois sujets en une leçon. Trois sujets? Oui. Bon, je connais deux. C'est quoi la troisième? Bon, le premier. Le premier, on aura la partie culturelle, comme son nom l'indique. Ok. Et puis le deuxième, c'est un peu apprendre quelques phrases qui pourraient être utiles, par exemple, pendant un entretien pour un travail. Tout à fait, oui. Mais c'est quoi la troisième? Et puis on a aussi une partie un peu mythique, on va dire, puisqu'on a une partie de légende. Ah oui? Et oui, un peu de mystère aussi. En plus? Oui, tu as raison. Quand même. Ok. Bon, sans plus attendre alors. Écoutons le dialogue ensemble. Je vous félicite, monsieur Perron. Vous êtes parmi les deux derniers candidats sélectionnés pour faire partie de mon prestigieux cabinet d'architecture. Je vous remercie d'avoir retenu ma candidature. Pour vous départager, en guise d'ultime test, je vais vous demander de me citer l'édifice qui vous semble le plus digne d'intérêt à Paris et, bien entendu, de m'expliquer pourquoi. C'est un choix difficile. Si je devais opter pour un bâtiment dans la capitale qui attire toute mon attention, je me prononcerais pour la pyramide du Louvre. Pour quelle raison? D'abord parce que je suis fasciné par cette structure de métal et de verre. Cela entraîne un contraste des styles architecturaux, la fusion du classique avec le moderne. Je suis assez de votre avis. Ensuite, pour la controverse et les débats passionnés dont elle a fait l'objet lors de sa construction. C'est indéniable. Enfin, j'aime la légende qui entoure la pyramide. Le nombre de plaques de verre qui constituent le bâtiment se porte à exactement 666, le nombre associé à Satan. C'est passionnant, monsieur Perron. Mais un véritable architecte n'apprend pas sa profession dans les livres de Dan Brown. Sachez que Yuming Pei a utilisé 673 plaques vitrées. Et nous sommes de retour. Donc on ne rigole pas avec cette personne qui tient un cabinet d'architecture prestigieux. Et en fait, il avait la chance d'être parmi les deux derniers candidats sélectionnés. C'est déjà pas mal, oui. Oui, pour faire partie de ce cabinet prestigieux. Oui. Généralement, il y a beaucoup de prétendants, énormément de gens qui postulent. Il a dit une phrase intéressante. Je vous remercie d'avoir retenu ma candidature. Alors, retenir une candidature, ça veut dire de me considérer comme un candidat sérieux. Exactement, oui. Et en fait, c'est une bonne phrase à dire si on est en train d'avoir un entretien. Oui. Pour se présenter à l'entretien, on peut dire cette phrase. Je vous remercie d'avoir retenu ma candidature. Oui. Alors, évidemment, il y a deux candidats. Qui sont toujours en liste. Oui, et il faut choisir. Alors maintenant... Il va falloir les départager. Ok. Départager, ça veut dire quand il y a deux personnes... Qui sont arrivées au même niveau, qui ont les mêmes compétences. Oui. Et en fait, il faut faire un choix à ce moment-là. Ok. Il faut les départager. Mm-hmm. Exactement. Donc, on départage ces personnes selon certains critères. Mm-hmm. Parfois même, c'est à la chance, tu vois. Mm-hmm. Et c'est quand c'est difficile, en fait, à faire un choix. Ouais. Parce que les deux sont au même niveau. Ouais. Alors lui, pour les départager, en guise d'ultime test, il dit. Voilà, donc là, on va faire un test. Donc, il dit en guise d'ultime test. Ouais. En guise de, ça veut dire... Pour ultime test, oui. Comme ultime test. Mmh. Okay. Et donc ce test, c'est de citer l'édifice qui lui semble le plus digne d'intérêt à Paris. So, pour un architecte... Citer l'édifice. Un bâtiment, le bâtiment, oui. Le plus digne d'intérêt à Paris, ça devrait être facile. On pense à la Tour Eiffel, tu veux dire? Je sais pas. Je suis pas architecte, moi. Mais j'imagine que si j'étais architecte, ce serait facile, parce que j'aurais déjà beaucoup réfléchi sur cette question. Mm-hmm. Mais il dit quand même que c'est un choix difficile. Il n'a pas autant réfléchi que toi. Ça lui pose des problèmes. Et donc, s'il devait opter pour un bâtiment dans la capitale qui attire toute son attention, il se prononcerait pour la pyramide du Louvre. C'est un choix intéressant. Alors, il dit se prononcer pour quelque chose. C'est prendre une décision, faire un choix. Par exemple, on pourrait dire... Donc tiens, c'est bientôt les élections aux États-Unis. Oui. Et donc, il y a des personnes qui vont se prononcer pour le candidat démocrate. Okay. et d'autres qui vont se prononcer pour le candidat républicain, bien sûr. Je vois. Et lui, il se prononce pour la pyramide du Louvre. Oui. J'imagine que la majorité du monde connaît la pyramide du Louvre. Est-ce ouais, que je c'est crois. Mais juste au cas où, c'est le grand édifice ouais. en face du Louvre. Qui se trouve dans la cour Napoléon, en plein milieu du Louvre. Oui. Bon, c'est un choix intéressant. Donc maintenant, on va voir s'il peut défendre son choix. Alors, il donne trois raisons pour justifier son choix. Donc, il dit qu'il est fasciné par cette structure de métal et de verre. Donc là, c'est vraiment l'architecte qui parle. Ouais, il parle des matériaux employés, comme un architecte, oui, tu as raison. Oui, il parle des styles. Ouais. Il dit que cela crée un contraste dans les styles architecturaux. C'est la fusion du classique avec le moderne. Ouais, voilà, il va même jusque-là. Oui, j'imagine que c'était une bonne réponse pour commencer parce que... C'était bien parti, ouais. Oui, le monsieur était d'accord. Ensuite, deuxième raison, okay. Il trouve que c'est intéressant toute la controverse et les débats qu'il qualifie de passionnés dont cette fameuse pyramide a fait l'objet. Oui, et il dit pour la controverse et les débats passionnés dont elle a fait l'objet, quand ? Lors de sa construction. Bon, alors encore une bonne réponse, parce qu'il dit c'est indéniable. Ouais, donc là ça se passe bien encore. Mais il reste encore une raison. Et enfin... Il dit qu'il aime la légende qui entoure la pyramide. Oh, comme tout le monde, les légendes qui entourent les bâtiments sont toujours fascinants, non ? Il doit sûrement être fasciné par ça, en fait. Puisqu'il explique qu'il y a 666 plaques de verre qui constituent la fameuse pyramide. 666 ? Oui. Exactement. Qui est le ? Non, je vais pas le dire, moi. C'est toi, le dire. Quoi, le nombre associé à Satan ? Le diable. Mais c'est terrible, ça. Et c'est là où... c'est dommage. Ben, au début, on ne sait pas trop, puisqu'il dit quand même « c'est passionnant, Monsieur Perron ». Donc, c'est un peu vague. Mais en fait, on verra ici que quand il dit « c'est passionnant », ça peut être ironique. Oui, et comme ici. Et donc, tu as raison. En fait, c'était pas la bonne chose à dire. Oui, il aurait dû s'arrêter à la deuxième raison, à mon avis. Ouais. Puisqu'on entend... Un véritable architecte n'apprend pas sa profession dans les livres de Dan Brown, Monsieur Perron. Ce qui veut dire le livre Da Vinci Code. Voilà, le Da Vinci Code. Ouais, c'est pareil en français. Ouais. Parce qu'en fait, il y a combien de plaques vitrées ? Et alors voilà, on l'apprend dans la dernière phrase. Oui. C'est que le chef-d'œuvre de, j'essaie de bien le prononcer, Yao Ming Bei. I am Pei. Ah, c'est comme ça qu'on le dit ? En anglais, oui. Ah, bon. et c'est un bon nom à apprendre parce que c'est toujours dans les mots croisés. Ah bon ? Oui. L'architecte de la pyramide, c'est Yao Ming Bei. Ah ok, je savais pas. Pour les gens qui font le New York Times Crossword Puzzle, ils vont être vraiment contents d'avoir appris ça. Ouais. J'imagine qu'ils le savent déjà. Alors, il y a combien des plaques vitrées ? Alors, son chef-d'œuvre compte 673 plaques vitrées. Alors, c'est faux. La tu légende, ce n'est pas vrai. Non. Et ce qui est sûr, c'est que lui, il n'a pas décroché d'emploi, là. Oui, c'est dommage. Alors, c'est une leçon pour tous les architectes aspirants. N'apprenez pas votre profession dans les livres de Dan Brown. Par contre, on va continuer à apprendre le français en réécoutant ce dialogue. Je vous félicite, Monsieur Perron. Vous êtes parmi les deux derniers candidats sélectionnés pour faire partie de mon prestigieux cabinet d'architecture. Je vous remercie d'avoir retenu ma candidature. Pour vous départager, en guise d'ultime test, je vais vous demander de me citer l'édifice qui vous semble le plus digne d'intérêt à Paris et, bien entendu, de m'expliquer pourquoi. C'est un choix difficile. Si je devais opter pour un bâtiment dans la capitale qui attire toute mon attention, je me prononcerais pour la pyramide du Louvre. Pour quelle raison ? D'abord parce que je suis fasciné par cette structure de métal et de verre. Cela entraîne un contraste des styles architecturaux, la fusion du classique avec le moderne. Je suis assez de votre avis. Ensuite, pour la controverse et les débats passionnés dont elle a fait l'objet lors de sa construction. C'est indéniable. Enfin, j'aime la légende qui entoure la pyramide. Le nombre de plaques de verre qui constituent le bâtiment se porte à exactement 666, le nombre associé à Satan. C'est passionnant, Monsieur Perron. Mais un véritable architecte n'apprend pas sa profession dans les livres de Dan Brown. Sachez que Yao Ming Bei a utilisé 673 plaques vitrées. Alors, on a appris beaucoup d'expositions utiles. Ouais. La meilleure façon vraiment de les apprendre, c'est qu'on va refaire ce dialogue ensemble. Voilà, on va revivre un peu les situations. Bon, d'accord. Je vais te demander de me citer la langue, à part français, d'accord, évidemment, ouais. La langue qui te semble plus digne d'intérêt à apprendre. Et bien entendu, de m'expliquer pourquoi. D'accord, Erika. Alors, si je devais opter... Attends, c'est un choix facile? Non, c'est un choix difficile. Ok. Mais, oui, si je devais choisir une langue qui attire toute mon attention, oui, je me prononcerais pour l'espagnol. Et tu parles espagnol, toi? Si. Alors, pour quelle raison? D'abord, parce que je suis fasciné par cette langue qui se développe mondialement et qui est déjà parlée dans beaucoup de pays. Oui. Ensuite, parce qu'elle est très riche culturellement. Ok. Ensuite, on peut s'intéresser à des auteurs comme Cervantes, qui sont connus mondialement. Ok. Et enfin, ici, on a SpanishPod, oui, nos amis de SpanishPod, oui, avec qui on peut apprendre très facilement. Et ça, c'est indéniable. Pour toi aussi, j'ai une petite question, donc... Moi? Oui, à alors, toi, alors maintenant, Erika, tu vas me demander, me poser la question? C'est ton tour. Ok, I'm ready. Alors, si je te demandais de me citer l'endroit le plus digne d'intérêt à visiter dans le monde. À mon avis. Oui. Ok. Si je devais opter, ouais, pour un seul endroit, je me prononcerais pour l'Antarctique. Non. C'est vrai? Alors là, tu m'étonnes. Et pour quelle raison? D'abord, parce que je pense que l'Antarctique, ce serait comme visiter une autre planète. Une planète de glace. Oui, éloignée du soleil. Et puis ensuite, parce que c'est très très loin de l'humanité. Alors comme ça, on peut voir toutes les étoiles, c'est vraiment le calme. D'accord. J'imagine que ce serait très intéressant, quoi. Sûrement, ouais, ouais, tout à fait. Et enfin, tu connais le compositeur Ralph Vaughan Williams? Il est anglais? Non, je connais pas. Mais il est génial, je vais te le faire écouter. Et il a écrit une symphonie qui s'appelle Antarctic Symphony. Et il a l'air si... comment on dit? Eerie, en français. Eerie, like, bizarre, like, ouh. Je crois que tu l'as bien écrit, là. Ouh. Yeah, it's like, ouh. Wow, that would be cool. Et ça m'a vraiment inspiré. Je vais y aller avant ma mort, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais c'est cher. Et en fait, ouais, ça... comme tu l'as dit, c'est loin, hein. Et ça, c'est la dernière raison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a visité l'Antarctique. Ah. Je serais un des seuls sur la Terre qui a visité. C'est indéniable. Bon, ok, maintenant on va parler un peu de la pyramide du Louvre. La fameuse pyramide qui a soulevé vraiment une polémique à sa construction. Yeah, it did, but because it's built right next to le Louvre, which is like this super old building, and this is a brand new one. Elle a été inaugurée en 1988. Ce qui est marrant, c'est que maintenant tout le monde est content. Yeah, it's true. Franchement, il y a très peu de gens qui se plaignent. Actually, everybody's really proud of it. Exactement. Everyone always said that. What do you think of la pyramide? They would always ask me my opinion. They seem to be the most proud of the more new things. And that's what they say, is what this guy said, actually. Because it's un contraste des styles. Oui. La fusion du classique avec le moderne. And it's become a little bit even more popular since the Da Vinci Code came out. C'est vrai. Because it's in there, right? And this is true. It doesn't have 666 panes of glass. Non. Like it is implied in the book, right? Désolé, non. 673. Ça, c'est le nombre exact. J'ai vraiment beaucoup aimé cette leçon. Moi aussi. Donc, si vous voulez, on peut poursuivre, évidemment, sur frenchpod.com. Oui. You can ask some questions, find exercises, all kinds of things. Alors, en espérant vous retrouver là-bas, à bientôt. Merci, au revoir.